Vanille. Gousse américaine qui donne la force, l'odeur et le goût au chocolat. Cette boisson, dont les Espagnols font leur délice et qu'ils n'aiment pas moins que l'oisiveté. Quoi qu'ils tirent ce fruit, depuis près de 2 siècles des pays qu'ils ont si cruellement ravagés, ils ne savent pas même aussi bien que nous ce qui concerne les espèces, la culture, la multiplication et les propriétés de la vanille. La vanille est du nombre de ces épices dont on use beaucoup et que l'on ne connaît qu'imparfaitement. On ne peut pas douter que ce ne soit une gousse qui renferme la graine d'une plante, et de là lui vient le nom espagnol de vainilla, qui signifie petite graine. Mais on ne connaît ni le nombre des espèces, ni quels sont les espaces les plus estimables de ce genre de plantes, en quel terroir elles viennent le mieux, comment on les cultive, de quelle manière on les multiplie, etc. On n'a sur tout cela que des détails peu sûrs et peu exacts. Messieurs les académiciens, qui ont été au Pérou, ne nous ont point fourni les instructions qui nous manquent sur cette plante. Les Américains sont seuls en possession de la vanille qu'ils vendent aux Espagnols. Ils conservent soigneusement ce trésor qui leur est du moins resté, apparemment parce que leurs maîtres, les colonisateurs espagnols, n'ont pas su le leur ôter. On dit qu'ils ont fait serment entre eux de ne révéler jamais rien aux Espagnols, fût-ce la plus grande de toutes les bagatelles. C'est en ce cas une convention tacite dont ils ne rendraient que de trop bonnes raisons. Et souvent, ils ont souffert les plus cruels tourments plutôt que d'y manquer. De notre côté, les Espagnols, contents des richesses qu'ils leur ont enlevées, de plus accoutumés à une vie paresseuse et à une douce ignorance, méprisent les curiosités d'histoire naturelle et ceux qui les étudient. En un mot, si l'on excepte les sœurs Hernandez et le prêtre Ignacio, Espagnol, c'est aux curieux des autres nations, aux voyageurs, aux négociants et aux consuls établis à Cadix que nous sommes redevables du petit nombre de particularités que nous avons sur cette épice précieuse et qui formeront cet article. Nom et description de la vanille. Elle est nommée des Indiens Meca subil, et par nos botanistes Vanilla, Vanillia, Vainilia, Vanillias, Piperis arborii, Jamaicaensis inascens. C'est une petite gousse presque ronde, un peu aplatie, longue d'environ 6 pouces, large de 4 lignes, ridée, roussâtre, mollasse, huileuse, grasse, cependant cassante, et comme coriace à l'extérieur. La pulpe qui est en dedans est roussâtre, remplie d'une infinité de petits grains, noirs, luisants. Elle est un peu âcre, grasse, aromatique, ayant l'odeur agréable du baume du Pérou. On nous l'apporte du Pérou et du Mexique. Elle vient dans les pays les plus chauds de l'Amérique et principalement dans la Nouvelle-Espagne, c'est-à-dire le Mexique et les États du sud des États-Unis actuels. On la prend sur des montagnes accessibles aux seuls Indiens dans les lieux où il se trouve quelque humidité. Article 2 de Jaucourt.